K comme quiétude. La quiétude est la paix que donne une bonne conscience. R comme royauté. Le roi des âmes, c'est Jésus. Obéissez toujours à ce roi si grand et si bon. Rencontre de Jésus et de Saint Jean-Baptiste. La première fois que Jésus et Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth, se rencontrèrent, ce fut une grande joie pour eux. Jésus jeta ses bras autour du cou de Jean-Baptiste et l'embrassa. Jean reçut ce baiser à genoux avec beaucoup de respect et d'amour. C'est un beau jour que celui où l'on comprend combien Jésus est doux et où l'on reçoit de lui, pour la première fois, le tendre baiser qu'il donne aux enfants bons et pieux.